professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la société peut-elle être conçue comme un grand système homéostatique? Pourquoi le management par objectif? Comment, au niveau européen, l'asservissement des États à la réalisation d'objectifs chiffrés a-t-il été engagé à partir de 1992? Et dans la gouvernance mondiale, pourquoi le mécanisme de conditionnalité assorti d'indicateurs chiffrés? Quelles sont les forces de résistance du droit face à la gouvernance des nombres, face à cette utopie de la mise en pilotage automatique des affaires humaines? Nous voici au terme de la grande série de cours que le juriste spécialiste du droit du travail, Alain Supiot, consacre au passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, Alain Supiot s'attache, fidèle à son approche transnationale et transdisciplinaire, mais sous l'angle de l'analyse du droit, à présenter les déploiements du règne du calcul, des objectifs chiffrés, des algorithmes, tous ces chiffres contrôle qui gouvernent les individus, l'entreprise, avec la corporate governance, mais aussi l'État, les grands organismes internationaux, de l'Union européenne au FMI ou la Banque mondiale. Quelle est la réception juridique de la gouvernance par les nombres qui concerne essentiellement la division du travail et cela à tous les échelons de l'organisation de la vie en société? Comment son emprise sur le droit est-elle un processus dynamique? Le piège de la mise en équation des vies, des entreprises et des États semble se refermer sur nous. Alain Supiot cite la lucidité du théoricien du management par objectif, le fameux Peter Drucker. Ce dernier mettait déjà en garde contre les effets pervers de sa méthode si elle était mal interprétée. Les objectifs visant à permettre l'autocontrôle ne doivent jamais devenir les bases d'un contrôle de domination, nous dit-il, car dans ce cas, ils détruiraient leur propre but. L'indicateur se confond dès lors avec l'objectif, le sujet est objectivé et c'est la dépropriation de soi. À l'occasion de la sortie de son livre « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total », Alain Supiot a rappelé à propos des idées ensevelies par la déconstruction ultralibérale quelques principes de base à revivifier et je le cite « Retrouver tout d'abord le sens des limites, sans lesquelles il n'est pas d'ordre juridique possible. Le rule of law, l'état de droit, est incompatible avec le law shopping, le marché des normes. Ne pas céder au mirage de la quantification. Coupée de toute délibération démocratique, la gouvernance par les nombres et les politiques d'indicateurs nous ramènent aux errements soviétiques du Gosplan. Redonner une place forte à la solidarité civile, comme les mutuelles en France, sans la vitalité desquelles la sécurité sociale est condamnée à la faillite. Plus généralement, nous dit encore Alain Supiot, il faut se souvenir que les hommes sont des sujets pensants avant d'être des objets de science, que leur capacité d'action est le contraire de la flexibilité et de la réactivité, et enfin que le bénéficiaire d'une opération économique doit répondre des dommages qu'elle peut causer. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 avril 2013. Alain Supiot analyse la dynamique juridique de la gouvernance par les nombres. La première chose à noter, c'est la place centrale occupée par les modes d'organisation de l'entreprise dans le déploiement de la gouvernance par les nombres. Et se rejoue, ou s'est rejoué dans la dernière période, d'une certaine manière, le processus qui, durant la seconde révolution industrielle, avait conduit à penser l'organisation politique des sociétés sur le modèle de l'entreprise. La nouveauté, alors comme j'ai essayé de le montrer dans d'autres travaux, c'est le changement d'imaginaire dans l'organisation du travail. L'univers industriel est dominé par l'imaginaire de l'horloge, nous l'avons vu, dont nous avons noté l'emprise sur l'idée de gouvernement par les lois. Eh bien, cet imaginaire a été supplanté par le modèle cybernétique de l'ordinateur. Dès lors, l'organisation du travail n'est plus conçue comme un jeu de poids et de force, dont le travailleur ne serait qu'un engrenage, mais comme un système programmable, faisant communiquer entre elles des unités capables de rétroagir aux signaux qu'elles reçoivent, rétroagir en fonction de la manière dont elles ont été programmées. C'est l'un des pères de la cybernétique, Norbert Wiener. Je vous dis tout de suite, je considère que c'était un type génial. Bon. Je crois que même à la fin de la vie, il était un petit peu effrayé de ce qui sortait, de ce qu'il avait pu dire. Mais c'était le premier à projeter ce mode de fonctionnement sur l'ensemble de la société dans un ouvrage publié en 1950 intitulé « Cybernétique et société ». Et le sous-titre de cet ouvrage était déjà tout un programme, puisque ce sous-titre, c'est « L'usage humain des êtres humains ». Ma thèse, dit-il, est que le fonctionnement d'individus vivants et celui des nouvelles machines de communication sont précisément parallèles dans leurs efforts identiques pour contrôler l'entropie par l'intermédiaire de la rétroaction. Donc, c'est l'idée que ce qui unifie la machine, l'animal, l'homme, c'est cette capacité de réagir à son environnement. Donc, on est doté d'un système qui vous permet de maintenir votre être d'une façon homéostatique, quelles que soient les variations, en vous adaptant continuellement aux variations de l'environnement. Donc, qu'il s'agisse de l'homme ou de la machine, ce fonctionnement a pour fin d'exercer un effet sur le monde extérieur. Alors là, on a des notions importantes. Et c'est l'action exercée sur le monde extérieur et non pas simplement l'action projetée, qui est rapportée en retour à l'appareil régulateur central. Qu'est-ce qu'il nous dit ? La société tout entière peut être conçue comme un immense système homéostatique, sujet qui peut être programmé, mis en pilotage automatique, et ça fonctionnera tout seul, et on atteindra ainsi la meilleure performance. J'aurais aimé avoir le temps de commenter longuement ce texte prophétique, mais je me bornerai à souligner combien il est éclairant pour comprendre le déplacement du gouvernement à la gouvernance, ou de la réglementation à la régulation, dans le vocabulaire institutionnel de ces 20 dernières années. Le propre de la gouvernance est en effet de reposer non pas sur la légitimité d'une loi qui doit être obéie, mais sur la capacité commune à tous les êtres humains d'adapter leur comportement aux modifications de leur environnement pour perdurer dans leur être. Ce mot de gouvernance est apparu en français, semble-t-il, d'abord au XIIIe siècle, pour désigner l'art de gouverner, pour le distinguer de gouvernement qui désignait plutôt les institutions. Ensuite, il est passé, comme beaucoup de nos mots, on franchit la Manche, sont revenus, etc. Donc il est passé à l'anglais, et il nous est revenu de l'anglais chargé de sens nouveau dans la période récente. Et c'est dans ce sens moderne qu'il a servi à remettre en cause le pouvoir acquis par les cadres dirigeants des entreprises. C'est sa première utilisation moderne du mot gouvernance, c'est sur la théorie de l'entreprise. Et c'est à la base de ce qu'on a appelé la théorie de la corporate governance. Alors, cette théorie, on en attribue la paternité à quelqu'un que nous avons déjà rencontré, qui est Ronald Coase, qui est un grand économiste. Lui, c'est un grand esprit. J'ai déjà parlé du théorème de Coase. Là, ce n'est pas dans cet article, c'est dans un autre article qu'il avait publié juste avant la guerre, la théorie de la firme, la théorie de l'entreprise, qui était parue en 1937. On prétend que c'est là que se trouve la première pierre de cette théorie, dont les principes ensuite ont été posés par le rapport Cadbury au Royaume-Uni en 1992, par l'OCDE en 1998, puis par la Commission européenne. Vous avez une communication de la Commission sur la gouvernance de 2003, et relayée en France par le rapport Viennot en 1992. Puis il y a eu ensuite un rapport Bouton qui a développé ces thèses. Et c'est cette théorie qui a inspiré les réformes du droit des sociétés qui ont été adoptées dans tous les pays européens à la fin des années 90. Alors, pour dire en bref, qu'est-ce qu'apportait la corporate governance? Eh bien, il s'agit d'indexer les formes d'organisation du travail sur un objectif qui est la création de valeur pour les actionnaires. C'est-à-dire de faire de la performance financière le moteur de l'action des dirigeants d'entreprise. Et il s'agit donc de substituer ainsi le calcul d'intérêt à la rationalité technique dans la conduite des entreprises. La corporate governance a été développée pour mettre un coup d'arrêt à quelque chose qui avait été analysé notamment par Galbraith, qui était la montée du pouvoir économique de ce que Galbraith appelait la technostructure, c'est-à-dire des dirigeants qui tenaient leur légitimité dans les entreprises d'un savoir technique et qui traitaient les actionnaires comme des chiens, ne leur distribuaient pas de dividendes, etc. Donc, l'objet premier de la corporate governance, c'est de restituer le profit aux actionnaires. En effet, dans ce qu'on appelle le modèle fordiste, l'entreprise se présentait comme une structure intégrée et hiérarchisée, pourvoyeuse de sécurité économique pour ses salariés. Nous avons même vu hier, lors de l'exposé pour ceux qui étaient là, du professeur Rosenfeld, qu'on pourrait presque parler d'entreprise-providence dans le cas américain. Dans la période, c'est l'entreprise qui a beaucoup assumé des fonctions qui, en Europe, ont été prises en charge par les États. À ce modèle, donc, de structure intégrée et hiérarchisée, la corporate governance substitue celui d'un réseau d'unités de création de valeur. Je pense que c'est... Bon, j'ai un peu cherché à essayer d'enfermer dans une formule la définition de l'entreprise corporate governance, mais on pourrait dire ça, c'est un réseau d'unités de création de valeur. C'est donc un réseau informationnel où chacun est mu, comme d'habitude, par la maximisation de son propre intérêt. Dans l'entreprise Fordiste, il y a encore une réflexion sur le travail. On dit que c'est un travail aliéné, qu'on ne peut rien faire contre cette aliénation parce que c'est un impératif technique, la rationalisation scientifique du travail, mais il faut compenser. Donc on se préoccupe encore du travail et des travailleurs. En revanche, le travail n'a aucune place dans cette nouvelle conception de l'entreprise qui ne connaît que des shareholders et des stakeholders. C'est le vocabulaire qui s'est implanté à partir des années 80-90. C'est-à-dire des actionnaires et des parties prenantes. Les salariés font partie de ces derniers, des parties prenantes, en tant que détenteurs d'une ressource humaine ou de ce qu'on appelle un capital humain, et non plus en tant que travailleurs. Le mot travailleur est banni du vocabulaire de la gouvernance. On assiste ici à ce que, dans un tout autre contexte, Augustin Berke a appelé la forclusion du travail. Et cette forclusion du travail succède à ce qui était sa réification dans l'univers industriel. L'organisation scientifique du travail conçue par Taylor organisait la division de celui-ci entre un petit nombre de personnes payées pour penser et une masse ouvrière qui devait s'interdire de penser et se contenter d'obéir mécaniquement aux ordres. C'est le schéma génialement montré par Chaplin, dont on avait vu par exemple une image. Une telle division du travail disparaît dans l'univers cybernétique de la gouvernance, où tout travail, celui des dirigeants comme celui de dirigé, d'ailleurs la notion se devenant flottante, est métamorphosé en fonctionnement, functioning, qui est une notion aussi qui joue un rôle clé dans les analyses de la justice de Amartya Sen, mais là, je n'aurai pas le temps d'en parler cette année. Donc c'est le fonctionnement d'une machine à communiquer programmée pour optimiser ses performances. C'est comme ça qu'on pensait avant comme forme d'organisation rationnelle du travail. Et ce sont ces performances réelles, mesurées à l'aune quantitative des résultats financiers, qui sont le critère de la bonne gouvernance, et non plus le respect des lois, bien entendu. Ainsi redéfinie, la notion de gouvernance a ensuite été adoptée à la fin du siècle dernier par les organisations économiques internationales, en particulier la Banque mondiale et le FMI. Ces institutions ont repris le mot pour étendre ce modèle de gestion, parce que, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est né dans les entreprises. Ensuite, c'est repris dans les organisations internationales, dans leurs relations avec les pays dits en voie de développement. Et c'est dans le cadre des plans d'ajustement structurel, puis des plans de lutte contre la pauvreté dans les pays dits en voie de développement, que la notion de gouvernance a été utilisée ensuite. Alors, la bonne gouvernance promue par ces organisations s'est traduite par une réduction drastique du périmètre de l'État, notamment dans le domaine social et culturel, au profit de l'initiative privée et de ce qu'on appelait la société civile. La notion de peuple disparaît du vocabulaire de la gouvernance, j'y reviendrai. La gouvernance, par les nombres, concerne essentiellement la division du travail. La division du travail ne doit pas être comprise simplement comme quelque chose qui concerne le travail salarié. C'est un problème qui se pose à tous les échelons de l'organisation de la vie en société et à la division du travail, bien sûr, au plan individuel d'organisation, mais au plan de l'entreprise ou des organisations, au plan de l'État, et il y a même une division internationale du travail. À tous ces niveaux, ce qu'on voit se déployer, c'est ce qui a été appelé dans le management par objectif. Et on attribue généralement l'essor de ce management par objectif à un auteur important dans le management qui est Peter Drucker, qui a le premier théorisé ce type de management, et il le présentait comme une nouvelle philosophie du management. Ce qu'il faut retenir de la présentation qu'en fait Drucker, c'est que le seul principe, selon lui, qui remplisse les conditions d'harmonisation de l'épanouissement individuel avec l'efficacité collective, c'est ce système de management par objectif et par autocontrôle qui remplace un contrôle extérieur par un contrôle intérieur, disait-il, plus efficace, plus rigoureux et plus exact. Donc vous voyez, il s'agit bien là d'atteindre la subjectivité du salarié et pas de lui demander qu'elle reste à l'extérieur de l'entreprise. Il développait cette thèse pour la direction des managers, et le manager n'agit plus parce que quelqu'un le lui demande, mais parce qu'il a décidé qu'il doit le faire, il agit, dirons-nous, en homme libre. Donc cette théorie du management contient en germe la promesse d'une généralisation de la liberté. Donc vous voyez qu'on a, du point de vue de l'analyse juridique, un déplacement. L'individu n'est plus assujetti au respect de règles qui définissent sa tâche par avance, mais il est associé à la définition des objectifs assignés à cette tâche, objectifs si possible quantifiés, qui vont décliner à son niveau les buts communs de l'organisation. Et chaque travailleur ainsi objectivé, donc défini par la réalisation d'objectifs, est en état de mesurer et de réduire l'écart entre les objectifs fixés et sa performance réelle selon un processus d'autocontrôle qui, selon Drucker, s'identifie absolument avec la liberté, puisqu'il satisfait, dit Drucker, le désir de donner toute sa mesure au lieu de se contenter de faire tout juste ce qu'il faut. Donc, tout d'abord, l'emprise de la gouvernance par les nombres sur le droit. Cette emprise est un processus dynamique. Si on essaie de le prendre branche par branche, ça n'a pas une grande valeur heuristique. La gouvernance par les nombres a été conçue, organisée autour du travail, et on peut la voir se développer par cercle concentrique du travail individuel à la conception de l'entreprise, à l'État, à l'Europe et au niveau international. Alors prenons d'abord le niveau individuel. Au niveau individuel, dans les entreprises, la direction par objectif est devenue une pratique courante. Ces objectifs sont fixés tantôt unilatéralement par l'employeur, tantôt par un contrat. Ils sont souvent contractualisés et parfois ils sont uniquement utilisés pour déterminer le montant de la rémunération. Dans d'autres hypothèses, au contraire, ils définissent la mission même du salarié indépendamment de la question de la rémunération. Dans tous les cas de figure, l'un des résultats de cette direction par objectif est de transférer une part du risque économique sur le salarié, puisque quand on vous dit « obéissez aux ordres », une fois que vous avez obéi, vous avez rempli votre mission, si on dit « atteignez tel objectif », c'est à vos risques et périls si vous ne l'atteignez pas. Cette fixation d'objectifs a toujours pour corollaire dans les entreprises l'établissement de procédures d'évaluation des performances. Alors ces procédures, ces évaluations prennent la plus souvent deux formes, et nous allons y retrouver la première à tous les niveaux. c'est la forme des indicateurs quantifiés. Donc une mesure quantifiée de la performance réalisée. L'autre forme que l'on ne trouve qu'au niveau, enfin pas seulement au niveau individuel, dans les organisations ça se trouve aussi, c'est celle des entretiens, c'est-à-dire là on a une approche discursive de la réalisation de la performance, ce sont les entretiens individuels. Mais je dis, ça se trouve dans les organisations, parce que vous savez que dans les procédures d'évaluation, par exemple, des équipes de recherche du CNRS, on a aussi ce type de processus discursif qui sont combinés avec, confrontés avec des résultats quantitatifs. Alors, il y a toute une littérature très instructive sur la pratique de ces évaluations dans les entreprises. Je vous renvoie notamment aux travaux de Christophe Dejour, qui a montré leurs effets éventuellement pathogènes. Du point de vue juridique, notez juste que la Cour de cassation dit que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés. Donc une jurisprudence s'est développée qui, je dirais, est en conformité avec les idéaux de Drucker, puisqu'elle dit que ses objectifs ils doivent être pertinents, transparents, et que, par conséquent, s'ils remplissent ces conditions, sont atteignables et qu'on doit donner aux salariés les moyens de les atteindre. Donc, sur ce point, il y a admission, intégration, sans problème du point de vue juridique, de cette technique. Alors, le pendant de cette technique dans le secteur public, ça a été la généralisation des primes de performance, consacrée par une loi de 2010 et mise en œuvre par un décret de 2011, sur lequel on reviendra rapidement. Il ne faut pas croire que les travailleurs indépendants ne soient pas concernés aussi. Si vous prenez, par exemple, les médecins, ils sont soumis au respect des références médicales opposables, qui fonctionnent eux aussi, enfin, je vous épargne parce que j'ai des textes où il y a des évaluations quantifiées du nombre d'écarts dans la pratique médicale d'un médecin par rapport à combien de fois est-ce qu'il s'est écarté des tableaux prévus dans sa pratique thérapeutique. On pourrait même dire que le travail agricole, par exemple, de travailleurs indépendants, est piloté d'un certain côté par la politique des subventions européennes qui organise aussi une mode de gouvernance par le nombre du type de produits, de la manière de les produire, etc. Au niveau de l'entreprise, maintenant, l'asservissement de l'entreprise à des objectifs a pris deux formes juridiques complémentaires. Tout d'abord, celle des réformes législatives qui ont mis en œuvre les théories de la corporate governance et, d'un autre côté, l'organisation des entreprises en réseau. Sur la corporate governance, et son incidence sur le droit de l'entreprise, il y a un travail très important qui a été fait par le professeur Pietran Costa, enfin c'est sa thèse en réalité, qui a été publiée sur l'impact, elle est intitulée « Le droit des sociétés sous l'effet des impératifs financiers et boursiers », ça a été publié, c'est une thèse soutenue à Paris en 1999, qui est une sorte de somme sur le sujet, et donc il y aurait matière parler longuement. Je mentionne juste deux dispositifs qui se sont développés, qui répondent, dispositifs juridiques qui mettent en œuvre la gouvernance par les nombres. Le premier, c'est celui des stock options, déjà évoqué, qui lie donc la rémunération du dirigeant aux résultats financiers. Donc c'est une mise en œuvre de la théorie de l'agence, telle que je l'ai évoqué. L'autre, c'est les LBO, Leverage Buyout, qui est une technique qui consiste à faire supporter à la société rachetée, appelée société cible d'ailleurs, le coût financier de son propre rachat, et ensuite, ce qu'elle va avoir pour objectif, c'est de se payer elle-même, si je puis dire, en la pressant comme une sorte de citron. Là, je prends une expression sortie du précédalos de droit financier, donc ce n'est pas moi qui dis ça, pour lui faire rendre son maximum de dividendes. Alors, l'autre incidence juridique, c'est l'organisation des entreprises en réseau. C'est un sujet bien connu. L'organisation pyramidale de l'entreprise fordiste a laissé de plus en plus place à une organisation en réseau où l'on autonomise juridiquement certains segments d'un processus de fabrication, chacun étant recentré sur ce qu'on appelle son métier principal, d'où l'éclosion des groupes et des réseaux d'entreprises, les réseaux étant des techniques contractuelles, le groupe étant des techniques plutôt capitalistiques et sociétaires. Alors, cette organisation en réseau, elle fait du pilotage par les nombres, puisqu'on va demander à l'entreprise sous-traitante de réaliser certains objectifs. Et là, il y a un lien avec le développement d'outils informatiques, puisque c'est lui qui va rendre ce sous-traitant transparent dans ses résultats à l'entreprise donneuse d'ordre. Donc, ce qui a permis aussi ce passage à l'entreprise au réseau, c'est un changement technique. Le plus souvent, on justifie cette organisation par la volonté de recentrer chaque entreprise sur son métier principal, mais elle répond surtout aux attentes des marchés financiers qui souhaitent pouvoir comparer et stimuler la rentabilité financière des différentes unités de profit qui composent une chaîne de production. Ce n'est pas simplement une rationalité technique de recentrage sur le métier, c'est surtout la volonté de pouvoir justement faire une évaluation de la rentabilité de ces différents segments et de se débarrasser de ce qui n'est pas rentable. Et on va faire le même avec les produits. Bon. Alors, l'évaluation des performances de l'entreprise au regard des objectifs de rentabilité prend deux formes principales qui toutes deux intéressent le droit. La première, c'est le cours de bourse, qui est censé refléter la valeur attribuée par les marchés à l'entreprise. Et la seconde, c'est ce qu'on appelait la « fair value », la juste valeur, qui a remplacé le principe de prudence dans la construction de son image comptable. Bon, sur le premier aspect, cours de bourse, transformation du droit financier, ces transformations ont été considérables sous l'incidence de cette nouvelle pensée managériale. Et disons d'un mot que ça s'est traduit par un remplacement de ce qui était une réglementation étatique des marchés financiers vers quelque chose qui était peut-être un mirage, mais enfin qui était celui d'une autorégulation par des autorités de marché de ces marchés financiers, c'est-à-dire d'un bouclage normatif des systèmes financiers sur eux-mêmes. Le point le plus visible de ce bouclage, c'est le statut des bourses. Il n'y a plus de bourses. Aujourd'hui, il existe des entreprises de marché qui sont elles-mêmes cotées sur leur propre place. Donc, vous voyez, on a l'idée d'un système qui serait capable de s'auto-réguler sans intervention extérieure. Du coup, le retrait de la réglementation a permis de donner une liberté entière sur la création de nouveaux titres financiers. Alors, ce sont des choses qui sont bien connues. Ça, c'est le développement exponentiel de nouveaux produits financiers qui a été permis par deux techniques. La titrisation. Là aussi, j'ai lu dans le précis de droit financier qu'il s'agissait d'une alchimie assez extraordinaire permettant la transformation de créances dont chacune est originale et ne peut circuler que dans des conditions difficiles en valeur mobilière, c'est-à-dire en titres identiques et fongibles circulant facilement sur un marché. Autrement dit, c'est vraiment de l'alchimie. Vous pouvez transformer du plomb en or puisque vous aviez des créances rivées à la personne d'un débiteur particulier qui deviennent tout à coup quelque chose qui s'apparente à un titre monétaire absolument liquide. Donc l'objectif de liquidité est atteint. Le problème, c'est évidemment que l'or peut se retransformer en plomb, pardon, mais là, on a une autre solution inventée par les marchés, c'est les dérivés de crédit, c'est-à-dire la possibilité d'assurer le risque de non-remboursement du crédit, et ces produits dérivés sont devenus des instruments à terme qui permettent de transférer, en vertu d'un contrat à titre onéreux, ce risque sur une créance ou un ensemble de créances qu'on a compacté, sans se défaire des dites créances. C'est ça qui était nouveau. Alors, la variété la plus connue de ce type de dérivé, c'est les Credits Default Swaps, les swaps, qui ont connu un succès fulgurant puisqu'ils représentent un volume monétaire de 30 000 milliards de dollars en 2006. C'est leur raison d'être était de couvrir des risques financiers, mais ils ont considérablement accru ces risques en devenant eux-mêmes les objets d'une gigantesque spéculation dont le volume estimé représente aujourd'hui 90% des transactions financières. Et ces transactions financières sont elles-mêmes entre les mains, si je puis dire, parce qu'ils n'ont pas de mains, pour 9 transactions sur 10 d'ordinateurs, en vertu de ce qu'on appelle le high-speed trading, c'est-à-dire le trading haute fréquence, pour le traduire plus ou moins en français, puisque ce sont des ordinateurs qui jouent sur les variations de cours au millième de seconde sur les cours. Ce qui crée des risques systémiques. Il y a eu une blague disant que le président Obama, alors tout de suite, les bourses plongent, puisque ce sont vous avez vraiment le rêve cybernétique l'accompli, puisqu'au cœur du dispositif, ce sont des ordinateurs. Donc, quelque chose qui peut se gérer lui-même. Bon, l'autre instrument de mesure, c'est les normes comptables, qui elles aussi ont fait l'objet d'une révolution copernicienne dans la même période, les années 90. Les normes comptables, on a parlé de la comptabilité, de sa naissance au Moyen-Âge, vous avez vu la belle statue de la prudence sur le tombeau de François II, le principe de prudence était le principe majeur de la comptabilité. C'est-à-dire on inscrit une valeur qu'à son coût historique déduit de l'amortissement. Donc si j'ai acheté quelque chose 100, je ne peux pas le compter plus de 100, je dois le compter moins de 100 compte tenu de sa perte de valeur par l'usure, etc. Ce principe a été jugé ne donnant pas une juste valeur de l'objet, puisque peut-être ce bien maintenant, si j'ai acheté une maison ou un appartement à Paris, sa valeur a quadruplé, et donc pour avoir une image fidèle, a-t-on dit, il faut mettre une valeur juste, et la valeur juste, c'est la valeur du marché instantané. C'est ce qu'on appelait la fair value. Alors, ainsi que l'a montré dans son travail très important Samuel Jubé, dans le livre qu'il a publié, qui était sa thèse sur normes comptables et droit social, en réalité, derrière cet abandon du principe de prudence, ce qui s'est passé, c'est un changement de la fonction de la comptabilité. La comptabilité avait essentiellement pour fonction une fonction de rappel de l'entreprise à ses responsabilités vis-à-vis des tiers. Et la comptabilité est devenue, avec la fair value, un instrument d'étalonnage des performances financières vis-à-vis des concurrents. Et donc la direction de l'entreprise va se faire en regardant le bas de bilan, qui est un instrument de mesure de votre performance financière par rapport aux concurrents, qui va rétroagir sur la valeur du cours de bourse. Alors, dans les périodes où, par exemple, l'immobilier ou les swaps, etc., s'échangent bien, tout va bien, parce que les patrimoines, les bilans grossissent énormément avec cette technique par rapport à ce que donnerait le principe de prudence. Quand le marché se retourne, le système est procyclique, c'est-à-dire il vous enfonce en cas de naufrage. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas des banques européennes qui, tout d'un coup... Avec la fair value, elles avaient des armoires pleines de ces swaps ou autres titres qui ne valaient plus rien. Et donc, normalement, leur compte aurait dû donner une image de faillite, purement et simplement. Donc, elles ont obtenu une modification de la règle après l'implosion de 2008, et ce qui montre que la juste valeur évolue en fonction de la conjoncture. Donc, on a une règle qui, elle-même, est flottante. Bon, en voilà assez pour l'entreprise. Le Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, la dynamique juridique de la gouvernance par les nombres. Alors, sur l'État, le mot à retenir qui était la clé d'entrée de la gouvernance par les nombres dans l'administration publique, c'est ce qu'on appelait le New Public Management. Le New Public Management qui a consisté à dire qu'il fallait étendre à l'administration publique les techniques de gestion en vigueur dans les entreprises privées. Pour une présentation d'ensemble, vous pouvez voir le livre de Owen Hughes, Public Management and Administration, qui en est à sa quatrième édition. Alors, le premier secteur où on a testé cela en France, c'est la sécurité sociale, avec la création de ce qu'on appelait l'ONDAM, c'est-à-dire on vote chaque année une loi de financement de la sécurité sociale qui fixe un objectif de dépenses. C'est ça, l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ça n'a jamais marché, on a toujours explosé l'objectif, et sans qu'il y ait particulièrement de sanctions. Mais cet objectif a été transposé ensuite, cette méthode, au budget de l'État lui-même, et dans le cadre d'une réforme qui a été adoptée tout parti confondu, et qui est l'adoption de la célèbre LOLF. La LOLF, c'est la loi organique relative aux lois de finances. Il y a un glossaire, parce qu'avec la LOLF, c'est tout un nouveau vocabulaire qui s'est emparé de l'action publique en France. L'objectif assigné dorénavant à l'administration publique, c'est celui de la performance, écrivaient ainsi messieurs Migaud et Carrez dans leur rapport d'information à l'Assemblée nationale. Et cette bataille de la performance, disaient-ils, ne sera gagnée qu'après plusieurs années, car c'est d'abord dans les esprits qu'elle a lieu. On retrouve ici l'idée que le cœur de la gouvernance se joue dans la subjectivité. Et cette transformation des esprits passe par une réforme du vocabulaire de l'action publique qui est tout entier tendu vers la réalisation d'objectifs chiffrés. Donc, il n'y a plus de ministères, c'est des missions. Chaque mission contient un certain nombre de programmes, Ces programmes se divisent en actions. Le programme est doté d'un budget opérationnel qui était censé donner une fongibilité des ressources dont disposaient les administrateurs. Il y a évidemment des indicateurs qui sont obligatoirement chiffrés, qui vont permettre de mesurer la performance de chacune de ces actions. Et ces actions s'organisent en projets annuels de performance et s'évaluent sur la base des rapports annuels de performance. Donc ce vocabulaire des PAP, des RAP, des BOP et des LOLF doit être familier à tous ceux d'entre vous qui aujourd'hui ont des contacts avec l'organisation de l'administration française. Et l'introduction de ce nouveau type de gouvernance s'est accompagnée d'une extension à l'État des normes comptables en vigueur dans les entreprises privées. Les règles applicables à la comptabilité générale de l'État ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action. Ce qui amène, par exemple, à des questions aujourd'hui, on se demande comment on va valoriser l'Élysée, par exemple. Où j'ai pu poser la question au collège, puisque à tous les niveaux, cette question se pose. Il faut maintenant, c'est plus simplement le comptable public, mais on a un agent privé, un audit privé qui vient, et il faut normalement évaluer la valeur de tous les biens pour les rendre... C'est leur valeur de liquidation, parce que c'est la fair value. Vous avez compris que la fair value, c'est la valeur de liquidation sur le marché. Donc j'ai posé la question, ce qui me semble, de savoir quelle pouvait être la valeur du bureau de Marcel Mauss, par exemple, qui est sur lequel travaille mon ami Roger Chartier, ici. Si on le soldait, il faudrait essayer peut-être sur... Il y a des sites Internet, on aurait peut-être une réponse. Alors, évidemment, vous me direz que je suis de mauvaise foi, parce qu'on dit qu'il y a les spécificités de l'action qui justifient éventuellement de déroger à ces règles comptables. Le complément de ces réformes, ça a été la constitutionnalisation intervenue en 2008 de la programmation des finances publiques et de la subordination des objectifs de l'action de l'État à l'impératif comptable de l'équilibre budgétaire. Donc, vous voyez, l'objectif d'équilibre des comptes a été constitutionnalisé à cette date. J'en viens maintenant au niveau européen. Alors, au niveau européen, l'asservissement des États à la réalisation d'objectifs chiffrés avait été introduit en 1992 par le traité de Maastricht dans le contexte de la création de la monnaie unique. On s'est accordé sur des critères de convergence et ces critères de convergence ont été chiffrés, notamment lors de l'adoption du pacte de compétitivité. Donc on a une série de chiffres dont les plus célèbres, c'est les ne pas dépasser 3% de déficit du produit intérieur brut et une montant de dette publique de 60% du PIB. Et les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas dépasser de plus de 2% ceux des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Là, vous retrouvez la technique du benchmark, c'est-à-dire l'objectif à atteindre se mesure par référence aux performances des concurrents. C'est ce qu'on appelle aussi le spread dans le vocabulaire actuel. Alors, ça n'a jamais marché, c'est ça qui est assez bizarre, parce que jamais on a atteint ces objectifs, mais la conclusion qu'on a tirée, c'est qu'il fallait aller encore de l'avant. Et le dernier pas dans ce sens, ça a été l'adoption du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, donc là, le mot apparaît dans les traités européens, de l'Union, au sein de l'Union économique et monétaire. Et l'article 3 de ce traité est un modèle parfait de gouvernance par les nombres, puisqu'il fixe un objectif d'équilibre ou d'excédent budgétaire qui est immédiatement traduit en indicateurs chiffrés et prévoit un calendrier de réalisation de ces objectifs, c'est ce qu'on appelle la trajectoire pour rejoindre l'objectif, ainsi qu'une procédure d'évaluation de sa mise en œuvre. Mais la grande nouveauté de ce traité par rapport au précédent qui déjà fixait des objectifs, c'est, et ce qui nous fait vraiment rentrer dans l'ère de la cybernétique juridique, c'est l'institution de ce que le traité appelle un mécanisme de correction déclenché automatiquement. Donc là aussi, on a l'idée d'une normativité qui pourrait faire l'économie de toute intervention humaine. Donc il est déclenché automatiquement. Si des écarts importants sont constatés, il doit permettre de revenir dans la trajectoire qui était initialement prévue. Je passe au niveau international. Au niveau international, la gouvernance par les nombres se donne à voir sous des différentes formes. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Disons qu'il y a les formes publiques et les formes privées. Pour le public, il y a des objectifs tout un pan de cette gouvernance par les nombres des États au plan international, ça a été les plans d'ajustement structurel auxquels ont été soumis en particulier les pays du Sud par le FMI. Donc à chaque fois, on retrouve une mécanique à ce moment-là très semblable de celle qu'on vient de voir à propos de l'Europe. C'est-à-dire, vous devez rétablir l'équilibre de vos comptes, donc vous devez réduire vos dépenses, il y a une trajectoire, un calendrier, etc. Mais cette technique a été aussi utilisée pour des objectifs sociaux et environnementaux. Objectifs sociaux, c'est la création, invention sur les conseils, notamment du grand économiste Amartya Sen, d'un indicateur du développement humain, IDH, ou indice de développement humain, qui a été modifié à plusieurs reprises depuis sa création et qui est construit par agrégation de sous-indices qui mesurent la santé, la longévité, l'éducation et le niveau de vie. Cette technique a été employée aussi en matière d'environnement, c'est les gaz à effet de serre qu'il s'agit de réduire et la réduction de ces gaz a été programmée par le protocole de Kyoto qui a été signé en 1997 et qui est entré en vigueur en 2005 et sur le protocole de Kyoto, là aussi, on voit à quel point la logique de la gouvernance et de l'autorégulation est poussée très loin, puisque non seulement on fixe des objectifs de réduction d'émissions, mais on dit, pour les mettre en œuvre, on met sur pied, on aurait pu dire, on le fixe, en taxant, je vous autorise, vous, l'Europe, à taxer les produits qui viennent, je ne sais pas, des États-Unis ou de Chine, et qui ont été produits sans respecter les contraintes environnementales fixées par le protocole. On aurait pu dire ça. On a dit non. Ce qu'on va faire, on va établir... D'ailleurs, on ne pouvait pas le dire parce que ni la Chine ni les États-Unis n'ont ratifié le protocole. Mais on va dire, on crée un marché des droits à polluer. Donc, et ça, c'est exactement l'application des théories de cause et des property rights que nous avons vues. C'est-à-dire qu'on considère que polluer est une partie du droit de l'entreprise, donc il y a un droit à polluer. Simplement, si vous polluez moins, bien, cette richesse que vous aviez, vous pouvez la vendre. Et on pensait que ça allait inciter une boucle vertueuse de réduction progressive des émissions. Bon, j'en viens aux effets de structure de la gouvernance par les nombres. Effets de structure, j'en retiendrai deux. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'indicateur objectif, et l'autre, c'est le sujet programmé. L'indicateur objectif, d'abord. Le couplage rigide entre les objectifs assignés au sujet de droit et les indicateurs mesurant sa performance est tout à fait contraire à la philosophie managériale de la direction par objectif pensée par Drucker, par exemple. Et cette philosophie prétendait distinguer soigneusement le temps de l'action et celui de son évaluation. Mais c'est une constante de la mise en œuvre juridique de la gouvernance par les nombres et elle a donné naissance à ce que donc je propose d'appeler l'indicateur objectif, c'est-à-dire à une fusion des deux sens différents du concept d'objectif, son sens substantif de but qui est assigné à une action et son sens qualificatif d'objectivité d'un jugement porté sur le réel. Donc l'indicateur objectif, il est censé être à la fois un but vers lequel on se tend, et d'autre part, une mesure réelle. Alors, en principe, la structure de la gouvernance est ternaire. Donc, elle articule fixation des objectifs, action qui tend à leur réalisation, et enfin, évaluation de la performance. Mais dès lors que cette évaluation est purement quantitative, autrement dit, lorsqu'elle se réfère à un calcul et non plus à un jugement de valeur, les objectifs et les indicateurs se confondent. Et nous avons vu que cette confusion est la règle dans les dispositifs juridiques qui mettent en œuvre la gouvernance. J'en ai un exemple ici, je vous ai parlé de la mise en œuvre des primes de performance dans le secteur public. Eh bien, le décret du 29 août 2011 fixe des objectifs, d'un seul souffle, des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre. En fait, c'est la même chose. Et notez cette séquence. Et la circulaire de mise en œuvre de ce texte emploie ces notions comme des synonymes. Les exemples qu'elle donne d'indicateurs de la qualité du service rendu montrent que cette qualité doit toujours être amenée à des quantités. Alors, à la différence des machines, les êtres humains comprennent vite que la satisfaction des indicateurs est une présomption irréfragable d'atteindre des objectifs. Et la pratique de la planification soviétique regorgeait d'exemples de ce genre, où par exemple, pour satisfaire l'objectif, on vous disait l'an prochain, il faut doubler le métrage linéaire de tissu que produit telle usine. Bon. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On le doublait en produisant en 1000 largeurs. Bon. On m'a donné un exemple, c'est le même ami malien qui s'intéresse aux indicateurs et qui m'a parlé de la scolarité, m'a donné cet exemple dans la fonction publique malienne, qui elle aussi introduit les indicateurs de qualité de service rendu. Les agents savent qu'on mesure leur performance au nombre d'usagers auxquels il n'aura pas pu être répondu avant la cinquième sonnerie de téléphone. Donc si ça sonne cinq fois, c'est mauvais pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont programmé les téléphones pour qu'ils raccrochent automatiquement à la troisième sonnerie. Ce qui a fait grimper l'indicateur de qualité du service rendu, naturellement, puisque il n'y a pas de cas où on doive attendre cinq sonneries. Bon. Alors, faire de la satisfaction d'indicateurs objectifs le but du travail, non seulement détourne une partie de ce travail d'une action réelle, parce qu'il y a un temps croissant qui est consacré à renseigner ces indicateurs. Là, les chercheurs se connaissent, maintenant ces formulaires, où les enseignants savent maintenant que presque la moitié du temps est consacré à corriger des copies plutôt qu'à transmettre des connaissances. Mais encore, ça déconnecte des réalités du monde auxquelles est substituée une image chiffrée qui endosse la position dogmatique qui était antérieurement occupée par la loi. Et donc, de surcroît, relevé d'une rationalité technique, la construction des indicateurs échappe à tout débat contradictoire. Donc elle se déroule dans l'ombre et donne lieu à, vraiment à tous les rapports de force. Donc l'objectivité produite, apparente par le chiffre, n'est souvent qu'une apparence. Mais à la différence de la loi qui, en principe, procède d'un débat contradictoire, ce débat existe bien, mais ce n'est pas un débat de type démocratique. L'autre effet de structure, à côté de l'indicateur objectif, c'est le sujet programmé. Le contrat de travail, vous en souvenez, instituait une fiction selon laquelle le travail peut être traité comme un objet séparé du travailleur. En tant que sujet libre, le salarié met à disposition cet objet qui serait sa force de travail. Donc on a la distinction fictive sujet-objet, fondée sur l'idéologie d'un droit de propriété de l'homme sur son propre corps. Bon. Alors, dès lors que vous traitez le travailleur comme une machine intelligente, vous ne pouvez plus maintenir cette césure sujet-objet. Et ça fait advenir un nouveau type de sujet, donc le sujet programmé, qui est capable de s'objectiver lui-même. C'est un sujet objectif, si je pourrais dire, tout entier mu par le calcul, et capable de s'adapter en temps réel aux variations de son environnement, pour atteindre les objectifs qu'il a incorporés. Alors, bien entendu, au plan juridique, la réalisation de cette nouvelle figure du travailleur est incompatible avec les rigidités inhérentes à la forme contractuelle de la relation de travail. J'ai bien dit rigidité de la forme contractuelle. Ce dont je parle ici, ce n'est pas de la rigidité des règles hétéronomes, légales et conventionnelles, par exemple les conventions de branche, qui sont la cible régulière de la déréglementation ou de ce qu'on appelle la flexibilisation du marché du travail. Je parle de la forme contractuelle en tant que telle. En effet, si le contrat de travail permet de traiter le travail comme une chose négociable, c'est parce qu'il reconnaît au travailleur la qualité de sujet de droit. Et par conséquent, le salarié y trouve nécessairement une certaine sécurité juridique, puisque son employeur ne peut pas réduire son salaire ou augmenter la durée de son travail sans son consentement. Et vous savez que c'est tout le sens de la casuistique jurisprudentielle qui permet de distinguer l'exercice du pouvoir de direction patronale d'un côté et d'autre part la modification du contrat qui suppose toujours, en principe, l'accord du salarié. Donc, rigidité, puisqu'il doit, si vous voulez, être réactif en temps réel. Donc, une telle rigidité entrave le déploiement de la gouvernance qui suppose donc cette réactivité en temps réel de la ressource humaine. Autrement dit, ce que l'on appelle aujourd'hui, en usant d'une métaphore d'ailleurs empruntée à la science des matériaux, des travailleurs flexibles, suppose d'attaquer la forme, le formalisme du contrat. Et c'est ce que l'on voit dans la transposition législative en cours de discussion parlementaire de l'accord de sécurisation de l'emploi qui a été signé le 13 janvier dernier. Comme vous pouvez le voir dans le futur article 51.25.1 du Code du travail, un accord d'entreprise pourra aménager, dit le texte, pour les salariés occupant les emplois visés, la durée du travail, les modalités d'organisation et de répartition, ainsi que la rémunération. C'est-à-dire qu'un accord collectif pourra venir modifier l'économie du contrat individuel de travail. Et si les salariés refusent, alors pendant ce temps-là, le contrat est suspendu, nous dit l'article suivant, donc on débranche le contrat, et s'il refuse, il est licencié par un licenciement dont on considère qu'il a un motif économique, mais qui est prononcé selon les modalités du licenciement individuel pour ne pas avoir à justifier du motif. Donc, sera ainsi réalisé un projet qui avait été caressé dès les années 80, qui s'appelait le projet de contrat collectif d'entreprise, qui visait à permettre à l'entreprise de s'ériger en entité autorégulée, libre à la fois vis-à-vis des règles hétéronomes de l'État ou de la négociation de branche, d'une part, et d'autre part, maintenant, libre aussi vis-à-vis des contrats individuels pour éviter la résistance individuelle à cette régulation collective au niveau de l'entreprise. Je passe à la résistance du droit à la gouvernance par les normes parce que je ne voudrais pas trop vous déprimer et vous montrer que le droit, s'il incorpore, s'il relaie le type de normativité inhérente à la gouvernance par les normes, résiste aussi. Et il résiste pour des raisons structurelles. Pour des raisons structurelles, car la forme juridique ne pourrait, sans disparaître tout à fait, se fondre sans reste dans l'univers de la liquidité et de la quantité qui est celui de la gouvernance par les nombres. Cette dernière, nous l'avons vu, a une structure binaire qui est incompatible avec la ternarité de la structure juridique. Et de surcroît, les êtres humains n'étant pas des ordinateurs, même si on veut nous faire croire que notre cerveau en est un, ne se laissent jamais entièrement programmer ni objectiver. Soit qu'ils sombrent dans la maladie mentale et la folie, alors ça, maintenant, c'est renseigné, si je puis dire, comme conséquence, soit qu'ils rusent avec l'univers des nombres pour agir avec leurs propres idées en tête, c'est ce que font nos agents d'accueil maliens quand ils programment leur téléphone. Et ce sont bien ces forces de résistance que nous donne à voir l'analyse juridique du droit positif lorsque la gouvernance par les nombres touche vraiment des points trop fondamentaux de la structure juridique. Et je vais vous en donner deux exemples principaux, enfin c'est plus que des exemples, c'est les deux manifestations principales de cette résistance. La première, nous l'avons évoquée deux ou trois reprises de façon cursive, c'est le principe de démocratie. Et l'autre, c'est le droit à l'intégrité physique et mentale. Alors, le principe de démocratie, tout d'abord. L'emprise de la gouvernance par les normes n'est pas compatible avec la démocratie, ou pour être plus précis, elle entraîne nécessairement une restriction du périmètre de la démocratie. Ça, vous trouverez ça expliqué en long et en large dans les écrits de Hayek, qui dit, d'ailleurs, je vais vous le faire lire, Hayek, il dit... Les êtres humains, ils restent un peu primitifs et il y a un atavisme qui réclame une juste distribution. Bon. Donc il faut empêcher ça parce que ça vient perturber l'autorégulation du marché. Et donc l'ultime bataille que nous devons mener, dit-il, contre le socialisme, alors je ne sais pas ce que le socialisme vient faire là-dedans, c'est de l'abolition de tout pouvoir contraignant prétendant diriger les efforts des individus et répartir délibérément leurs fruits. C'est-à-dire, il faut écarter du champ de la démocratie les questions de répartition du travail et des richesses. Ces questions doivent être mises hors démocratie. Alors, l'Union européenne est le lieu d'une restriction beaucoup moins brutale du périmètre de la démocratie, mais la politique économique y a été mise hors de portée électorale par la montée en puissance du pouvoir d'instance non élu dans des décisions qui échappent à tout contrôle démocratique. Alors, un aspect de ce problème, c'est le fait que depuis une vingtaine d'années, l'habitude s'est prise de ne tenir compte de résultats électoraux sur les questions européennes que lorsque ces résultats confirment les attentes des gouvernants. Je ne veux pas vous infliger la liste des référendums auquel il a été répondu non, et puis tout s'est passé comme si la réponse avait été oui. Mais ces pratiques se combinent avec des abandons de souveraineté que les pays membres sont amenés à consentir dans le cadre de la construction européenne. C'est des abandons qui ne poseraient aucun problème démocratique si les institutions européennes offraient les mêmes garanties de contrôle démocratique que les institutions nationales. Mais ce n'est justement pas le cas, et c'est la raison pour laquelle il existe ce qu'on appelle un déficit démocratique. Mais ce déficit est devenu si vertigineux qu'il a suscité récemment une mise en garde solennelle de la part du Bundesverfassungsgericht, c'est-à-dire du tribunal constitutionnel allemand, dans une décision rendue à propos de la ratification du traité de Lisbonne. La gouvernance par les nombres a fait surgir dans les entreprises un risque qui était ignoré des précédentes révolutions industrielles, qui est celui d'atteinte à la santé mentale. Dans le monde industriel, on risquait d'être abruti, c'était même une certitude, le travail à la chaîne, on risquait sa santé, des accidents du travail, altérations physiques, mais pas tellement de se mettre à délirer. Or, ce type de trouble a monté de façon vertigineuse depuis une vingtaine d'années, sa forme la plus extrême étant, vous le savez, les suicides sur les lieux de travail, qui ont commencé à être rapportés par les médecins du travail vers la fin des années 90, et dont le nombre a cru non seulement en Europe, spécialement en France, dans les entreprises publiques françaises revisitées par la gouvernance nouvelle manière, mais aussi dans des entreprises des pays émergents qui importent les mêmes méthodes d'organisation. Vous avez entendu parler peut-être des suicides des jeunes Chinois dans l'entreprise Foxconn. Et ces suicides sont apparus dans un contexte de montée du stress et de dépression nerveuse liée aux conditions de travail. Alors, il y a un ensemble de dispositions juridiques dans le droit du travail français qui visent à résister à cette dégradation des conditions de la santé mentale dans les entreprises. Le levier juridique de cette résistance, c'est une notion qui était ciselée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui est la notion d'obligation de sécurité de résultat. Et cette notion d'obligation de sécurité de résultat veut dire que l'employeur doit faire des choix organisationnels qui ne soient pas contraires à l'impératif de maintien de la santé des salariés, et notamment de leur santé mentale. Alors je laisse le soin de conclure au physicien américain Myron Tribus, qui est auteur d'un principe de perversité qui pose le diagnostic suivant sur les dévoiements chiffrés de la direction par objectif. Si vous tentez d'améliorer la performance d'un système de personnes, de machines et de procédures en assignant des objectifs chiffrés aux parties de ce système, le système ruinera vos efforts et vous en paierez le prix là où vous l'attendez le moins. Donc je vous remercie de votre attention et surtout de votre patience. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le juriste Alain Supiot, la dynamique juridique de la gouvernance par les nombres. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Rappelons aussi son ouvrage « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total » au Seuil en 2010 et son « Que sais-je, le droit du travail » au PUF. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Belle journée à l'écoute de France Culture.